Devant la porte de la salle, il hésita à se montrer le premier. Puis il l'ouvrit d'un saccadé, il aperçut son père et sa mère assis à table, face à face. Il s'approcha d'elle d'abord, sans lever les yeux, sans prononcer un mot, et s'étant penché, il lui tendit son front à baiser, comme il faisait depuis quelque temps, au lieu de l'embrasser, sur les joues comme jadis. Il devina qu'elle approchait sa bouche, mais il ne sentit point les lèvres sur sa peau. Il se redressa, le cœur battant, après ce simulacre de caresse. Il se demandait, « Que sont-ils dit après mon départ ?» Jean répétait avec tendresse, « Mère et chère maman, prenez soin d'elle, la servait et lui versait à boire. » Pierre alors comprit qu'ils avaient pleuré ensemble, mais il ne put pénétrer leurs pensées. Jean croyait-il sa mère coupable ou son frère un misérable? Et tous les reproches qu'il s'était faits d'avoir dit l'horrible chose l'assaillirent de nouveau, lui serrant la gorge et lui fermant la bouche, l'empêchant de manger et de parler. Il était envahi maintenant par un besoin de fuir, intolérable, de quitter cette maison qui n'était plus sienne, ces gens qui ne tenaient plus à lui que par d'imperceptibles liens. Il aurait voulu partir sur l'heure, n'importe où, sachant que c'était fini, qu'il ne pouvait plus rester près d'eux, qu'il les torturerait toujours malgré lui, rien que par sa présence, et qu'il lui ferait souffrir sans cesse un insoutenable supplice. Jean parlait, causait avec Roland. Pierre, n'écoutant pas, n'entendait point. Il put sentir cependant une intention dans la voix de son frère et prit garde au sens de ses paroles. Jean disait, « Ce sera, paraît-il, le plus beau bâtiment de leur flotte. On parle de 6500 tonneaux. Il fera son premier voyage le mois prochain. » Roland s'étonnait. « Déjà, je croyais qu'il ne serait pas en état de prendre la mer cet été. Pardon, on a poussé les travaux avec ardeur pour que la première traversée ait lieu avant l'automne. J'ai passé ce matin au bureau de la compagnie et j'ai causé avec un des administrateurs. Ah ah, lequel ? Monsieur Marchand, l'ami particulier du président du conseil d'administration. Tiens, tu le connais ? Oui, et puis j'avais un petit service à lui demander. Ah, alors tu me feras visiter en grand détail la Lorraine dès qu'elle entrera dans le port, n'est-ce pas ? Certainement, c'est très facile. » Jean paraissait hésiter, cherchait ses phrases, poursuivre une introuvable transition. Il reprit. En somme, c'est une vie très acceptable qu'on mène sur ces grands transatlantiques. On passe plus de la moitié des mois à terre, dans deux villes superbes, New York et Le Havre, et le reste en mer, avec des gens charmants. On peut même faire là des connaissances très agréables et très utiles pour plus tard. Oui, très utiles pour les passagers. Songe que le capitaine, avec les économies sur le charbon, peut arriver à 25 000 francs par an, sinon plus. Roland fut un bigre, suivi d'un sifflement qui témoignait d'un profond respect pour la somme et pour le capitaine. Jean reprit. Le commissaire de bord peut atteindre 10 000 et le médecin à 5 000 de traitement fixe, avec logement, nourriture, éclairage, chauffage, service, etc. Ce qui équivaut à 10 000 au moins. C'est très beau.